Chapitre 4e. Rivelet devait attendre à Paris le retour désormais prochain du général et de sa femme. Il revint en effet, mais dans les 24 heures qui suivirent leur arrivée, le malade fut pris d'une crise violente et au bout de 8 jours, la comtesse Marie était veuve. Dans la confusion produite par ces événements, Hubert fut longtemps sans voir seule la jeune femme à qui son deuil interdisait de recevoir des visites. Mais les juins s'écoulèrent sans qu'il leur fût donné de se rencontrer autrement qu'en passant et en silence. Mais vers la mi-juillet, un an après la petite scène qui avait investi le jeune homme de ses délicates fonctions, il crut pouvoir se permettre de lui présenter ses hommages à titre de voisin de campagne. Il la trouva seule sous le portique de Glycine, et en se voyant, la même pensée les fit tristement sourire. La chaise longue du général avait disparu, remplacée par une vasque de marbre d'où jaillissait un filet d'eau. « Tout est changé ici, mon ami, » dit la jeune veuve. « Moi aussi. J'ai été bien imprudente et folle. C'est maintenant seulement que je l'ai compris. Mais quel bonheur que j'ai pu fermer les yeux à mon pauvre mari, sans hypocrisie et sans remords. Et lui, ce malheureux, que devient-il ? Il est à Trouville. Sa femme et lui font l'ornement de cette plage d'élite. » Marie soupira. « Mon Dieu, que j'aurais été à plaindre. Et non, pas même à plaindre. Je m'étais si sottement mise dans la gueule du loup. Je ne comprends pas comment j'ai pu me méprendre à ce point. Cela arrive, » fit Hubert. Ils restèrent silencieux. Il y avait entre eux tant de choses non exprimées qu'ils ne savaient que se dire. Marie éleva la voix timidement. « Monsieur, » dit-elle, précisément comme l'année précédente. Il la regarda, n'osant lui répondre. « Vous avez vu cet homme. A-t-il témoigné quelque chagrin pour la peine qu'il m'avait causée ?»« La vérité m'oblige à vous répondre non, madame, bien qu'à contre-cœur. » « Comment se fait-il qu'il ait pu allier les sentiments délicats qu'il a témoignés à mon égard avec cette sécheresse de cœur ? Permettez-moi, madame, de ne pas répondre à cette question. » Marie fit un mouvement nerveux, puis reprit. « Pardonnez-moi d'insister, monsieur. Il y a des choses que j'ai le droit et le besoin de savoir. Quel motif attribuez-vous à la conduite de M. Serrant à mon égard ?» Hubert chercha à éluder la réponse, mais c'était impossible. Poussé à bout, et craignant la fin, de faire entendre autre chose que sa véritable pensée. « Eh bien, madame, » dit-il, « pardonnez-moi ce que je vais vous dire. C'est vous qui m'y contraignez. Je crois qu'à cette délicatesse apparente de sentiment, vous connaissant tel que vous êtes, M. Serrant trouvait son intérêt. » Marie comprit, et son ancienne rougeur remonta à son visage, mais elle resta maîtresse d'elle-même. « Je n'ai qu'un regret, monsieur, » dit-elle, c'est de ne pas vous avoir prié de lire la correspondance que vous m'avez si obligeamment fait remettre à mon retour de Cannes. Madame, quelle idée singulière! Oui, il me coûte de penser que vous auriez pu conserver un doute sur la nature de mes relations avec celui que je considérais comme devant être mon mari. Madame, si j'avais jamais conçu un doute sur vous, je serais d'abord un misérable et puis un imbécile. Faites-moi la grâce de ne m'en plus parler. C'est vrai, murmura Marie. C'est que je tiens tant à votre estime. » Le silence retomba sur eux. Un regard d'Hubert avait répondu à cette dernière phrase. Le vent agitait doucement les grappes fleuries des glycines, et la musique du filet d'eau faisait un accompagnement délicieux à leurs pensées. « J'ai failli mourir de chagrin, » dit Marie. « C'est si dur d'avoir méprisé ce qu'on a aimé. Je me demande maintenant si je l'ai vraiment aimé. Après le premier choc, la honte d'avoir si mal placé mon cœur m'a, pour ainsi dire, cautérisé l'âme. À présent, il me semble que ça a été un rêve. Il ne reste qu'une chose réelle, c'est que mon mari m'a remercié, avant de mourir, d'avoir été une bonne femme pour lui, malgré la différence de nos âges. Dans ce moment-là, ses paroles me brûlaient comme du plomb fondu, et j'avais envie de lui demander pardon. Et puis maintenant, cela me fait plaisir, car je sens que je l'ai mérité. Elle disait tout cela très simplement, et Hubert se sentait tout surpris, presque ébloui, d'être entré si avant au cœur de cette femme honnête et fière. Il se leva pour partir, ne voulant pas prolonger sa visite dans ces circonstances délicates. « Vous reviendrez ? » dit-elle en lui tendant la main. Il promit de revenir et tint souvent sa promesse. L'été s'écoula de la sorte. La comtesse rentra fort tard à Paris cette année-là. Le mois de janvier était commencé lorsqu'elle se réinstalla dans son hôtel. en rangeant 1000 objets qu'elle n'avait point eus entre les mains depuis la mort de son mari, la jeune femme trouva dans un coffret un bibelot sans grande valeur que Céron lui avait donné une fois pour ses étrennes. C'était une petite glace de poche encadrée d'émail. Elle ne s'en était jamais servie, n'ayant point l'habitude de se regarder souvent au miroir, et trouvant d'ailleurs l'objet trop précieux, en raison de sa provenance, pour courir le risque de le perdre en le portant sur elle. Cette glace rappela à Marie tout un monde de pensées déjà mortes, comme les feuilles mortes qui ont vécu tout l'été, et qui ne sont plus que poussière quand leur saison est passée. Elle la mit dans sa poche, et, comme elle sortait en voiture ce jour-là, en passant sur le pont Royal, elle la jeta dans la Seine. La nuit tombait. Personne ne vit cette action bizarre, qui fut malgré tout accompagnée de quelques larmes. Le lendemain était le jour de la comtesse, qui recevait après 5 heures. Pendant qu'on la coiffait, elle repensa sa petite glace et se trouva fort heureuse de s'en être ainsi débarrassée. Puis, sans qu'elle en eût bien conscience, sa pensée se reporta sur le confident qui l'avait si discrètement, si fidèlement servi. « J'espère que malgré les apparences, il ne m'aura point jugé plus mal que je ne le mérite », se dit-elle en se regardant dans un grand miroir, où elle voyait resplendir sa jeunesse éblouissante dans ses sombres atours de veuve. « Voilà un brave cœur et une nature délicate. S'il est tel en amitié, que ne doit-il pas être en amour ?» Elle passa au salon, pas trop éclairé, ainsi qu'il s'y entend de deuil, et se chauffa les pieds en attendant les visiteurs. Ses pensées suivaient le même cours et, sans qu'elle en eût de déplaisir, la ramenait vers Hubert, jeté pour ainsi dire par le destin sur sa route au moment où cette route devenait périlleuse. Oui, fidèle, délicat et sûr. Ah, c'est celui-là qu'il fallait aimer, se dit-elle avec une pointe de regret, qui lui piqua tout à coup le cœur jusqu'à faire jaillir une larme dans ses yeux. Monsieur Hubert de Riblay, annonça le valet de pied. Ainsi s'achève Le Confident par Henri Gréville.